j'aime ça. Bon, mon imitation de Julien Lepers, c'est assez mauvaise, d'accord. Mais néanmoins, terminer l'heure pour arriver à 20h avec du Bryan Adams et Run to You, je dis oui, je dis j'adhère, je suis d'accord. Vous êtes bien sur RIG 90.7 de la bande FM, vous êtes également sur www.rigfm.fr, il est 20h. Join me on RIG. Oh, l'anarchie, c'est vachement plus ordonné que nous. Ouais, c'est clair. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 270 sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Nous sommes le 21 octobre 2015 pour vous prouver que c'est en direct et l'album de la semaine, c'est l'album Ram de Paul McCartney, sorti en 1971. On écoutera Too Many People. On écoutera également Dear Boy, une chanson que j'adore de cet album-là. Il y aura Ramon. Il y aura Monkberry Moon Delight, apprêtez-vous à hurler. Il y aura également Heart of the Country et Hit at Home. Hit at Home. Non pas pour les Suisses, je pensais à Tom, le Hit at Home. Vous voyez, Tom de Roquefort, par exemple. Voilà. Bon, d'accord, c'est une blague ratée. Bon, bah, écoutez, on est mercredi, il est 20h, et puis c'est le début de l'émission. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous ai concocté une petite recette de Beatles, McCartney, Harrison Starr, qui va être bien, qui va être bien. Pour Lennon, par exemple, il y aura Out the Blue sur Mind Games en 1973. Harrison nous chantera Behind That Locked Door, mais pas la version de 1970, une version tirée de l'album Early Takes Volume 1, sorti en 2012, qui est donc une sorte de version de travail, une démo de cette chanson-là. Il y aura Early 1970, la phase B de It Don't Come Easy, sorti en 1971 par Ringo Starr. Et pour les Beatles, je l'avais programmé plusieurs fois dans la saga, et par manque de chance, à chaque fois, elle passait à la trappe parce que j'étais trop long. On va essayer de ne pas être trop long aujourd'hui. Il y aura One After 909, tiré de l'album Let It Be. Et puis plein d'autres choses. Mais ça, vous verrez ça dans quelques minutes. Vous êtes prêts? Vous nous rejoignez sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, ou sur Maca Club, si vous voulez. Et également sur dans le chapitre La Saga des Fab Four. Vous nous rejoignez et vous commentez, vous mettez des pochettes. Faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous aimez. Vous pouvez éventuellement dire « Ah, la semaine prochaine ou une autre semaine, j'écouterai bien ça ». Voilà, mais si vous écoutez ça, moi je peux toujours vous le proposer sans aucun problème. Bon, si on commençait la saga des Fab Four, la saga des Fab Four, c'est maintenant. Et le premier titre que je vous propose, c'est Too Many People. Paul McCartney sur RIG. Too many people going underground. mois après le Plastic Ono Band de John Lennon, Paul McCartney publie Ram, son deuxième album solo. La comparaison de leurs disques respectifs met alors parfaitement en lumière ce qui sépare musicalement les deux anciens partenaires. Autant John aura privilégié l'économie de moyens, usé d'arrangements minimalistes et choisi et mis en boîte l'ensemble avec rapidité, autant Paul aura opté pour une mise en scène fouillée, avec une obsession maniaque du détail. Ces deux œuvres majeures mettent en parallèle John le charpentier et Paul le prince de la marque. Et cette remarque n'a évidemment rien d'un jugement. C'est ce qui, à ce moment précis, les différencie à première vue et fait rétrospectivement comprendre pourquoi John supportait de moins en moins les longues séances de studio que Paul imposait fréquemment aux Beatles. Toutefois, il n'en sera pas toujours ainsi. McCartney produira lui aussi quelques albums très bruts, tandis que Lennon affichera de son côté un goût pour des arrangements plus recherchés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cet album Ram, un excellent album qui, au départ, mais on expliquera ça plus tard, à cause de l'ambiance, a été plutôt mal perçue, mais qui avec le temps est considérée, avec justesse d'ailleurs, comme un chef-d'œuvre. Le côté romantique de John en 1973, Out the Blue sur RIG. Dire que John Lennon a fait une chanson plus élaborée avec les chœurs là et qu'un beau solo de piano. Oui, vous l'avez marqué sur Facebook, je suis d'accord avec vous. Voici donc maintenant Harrison et Starr avec Behind That Locked Door qui date de 1970 mais dans une version différente. Mais c'est sur RIG par contre dans la saga des Fab Four. Why are you still crying. Your pain is now through. Please forget those teardrops. Let me take them from you. You are blessed with this world's waiting for. So let out your heart, please, please, from behind that locked door. It's time we start smiling. What else should we do? With only this short time, don't be here with you. And the tales you have told. Things that you saw makes me want at your heart, please, please, from behind that locked door. Sure I'm poor. Come and let out my heart, please, please, from behind that locked door. From behind that locked door. From behind that locked door. Charm, beep, beep. He's got no cows, but he's got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, cooking. With his mama by his side, she's Japanese. They cried, now they're free. And when he comes to town, I know he's gonna play with me. He's a long-haired, cross-legged guitar picker. His long-legged lady in the garden picking daisies for his soup. A 40-acre house he doesn't see. He's always in town playing for you with me. That efficiency. When I go to town, I wanna see all three. When I go to town, I wanna see all three. When I go to town, I wanna see all three. Une chanson super mignonne de Ringo Starr en face B de Don't Come Easy. Il dit en gros, s'il y a McCartney dans le coin, j'aimerais bien qu'il vienne jouer avec moi. S'il y a John Lennon, oui c'est sûr, il est avec sa femme là, ils font des trucs bizarres, mais il viendra jouer avec moi. Et puis il y a aussi George Harrison, lui il est, enfin il le dit pas, hein, mais il prononce pas le nom de chaque, mais on devine. Il a des tas de un jardin très très grand, etc. Mais il a pas le temps de le voir parce qu'il est toujours avec moi en train de jouer. Et puis il finit, moi, je sais jouer un petit peu la guitare, je sais jouer un tout petit peu de piano si c'est en C. Alors, il faudra qu'on me dise si ça veut dire en sol, en la, en... je sais pas. Je ne suis pas musicien, mais donc si c'est en C, c'est la façon anglo-saxonne de traduire les lettres, de traduire les clés. Et il dit, mais en tout cas, moi, quand j'arrive en ville, j'aimerais les voir tous les trois. C'est mignon comme tout, et ça colle très bien au style de Ringo Starr. Voilà, on a parlé de John, Paul, Ringo, George... Les quatre font les Beatles. Puisqu'on parle des Beatles, ting, c'est le moment de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable anglaise à Londres du Beatles Magazine. Vous retrouvez sur beatlesmagazineuk.com. Vous retrouvez tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des millions de visiteurs pour tout savoir sur la tournée de Paul McCartney, sur la tournée de Ringo, sur ce que font... les fils, même les amis des quatre personnes qu'on aime tant, les quatre de Liverpool, vous savez tout, vous savez même sur les animateurs radio qui font des émissions partout dans le monde. Elle est au courant de tout, Lovely Rita. Et vous avez par exemple Michael Honorato, le lundi soir, qui nous fait son Beatles Tonight. Hello Michael. Il y a également Kyle qui nous fait son Beatles Mania, ou Brooke Alpine qui nous fait son Come Together with Brooke Alpine le dimanche, le samedi et le dimanche. Ne manquez pas ces émissions. Lui, c'est du côté de la côte Est des États-Unis et c'est très très très très bien. Merci Lovely Rita et n'oubliez pas le Beatles Magazine, beatlesuk.com sur RG, bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai ajouté sur RG? Voici les Beatles. One after 909. One after 909. I said move over honey, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. And I beg her on my bed with me. You're only fooling around, only fooling around with me. I said move over once, move over twice. Come on baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Real man says you got the wrong location. Up back, run right home. Then I find I got the number of. Well, said you're driving on the one after 909. Move over, honey, traveling on that line. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. the old Savannah calling. Calling. T'es pas là, Guidi. I want to say thank you on behalf of the boys and myself. And myself. And I hope we pass the audition. C'est là ou c'est pas là? Bah, j'ai pas entendu. Là. Allez, c'est pas grave. L'album de la semaine, c'est l'album Ram, sorti en 1971. Un album extrêmement varié. Très, très, très bon. Et notamment, par exemple, là où McCartney est le meilleur. Là où il fait preuve d'un talent extraordinaire. C'est pour les harmonies vocales. Écoutez cette chanson qui est plus bâtie sur les harmonies vocales qui font l'air de la chanson que sur les instruments que vous pouvez entendre. J'adore cette chanson. Voici Dear Boy sur RG. Guess you never knew, dear boy, what you had found. Guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. Cerise sur le gâteau, John Lennon a longtemps cru que cette chanson s'adressait à lui, en disant « tu sais pas ce que t'as raté, dear boy ». Et en fait, il ne parlait pas à John Lennon, sur ce coup-là en tout cas, il parlait de celui qui avait laissé Linda pour que lui et Paul puissent se marier avec. Bref, l'ancien partenaire de cœur de Linda. Il disait « mon pote, t'as raté un truc ». Et on le comprend. Voici John, puisqu'on en parlait. En 1983, sur l'album Milk and Honey, Borrowed Time, belle chanson, construite évidemment en même temps que l'album Double Fantasy. When I was younger, living confusion, deep despair. When I was young, we'll

but not guilty. Getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not before the rest. I'm not trying to steal your best. I'm not trying to be small, but I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, I'm not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, not guilty. Making friends with them to seek. Not guilty. For leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, not guilty. George Harrison à l'honneur sur RIG dans la saga des Fab Four avec deux titres, Something, travaillé avec les Beatles, sorti avec les Beatles, et puis à l'instant, Not Guilty, qu'il travaillera avec les Beatles, et puis John et Paul, très probablement, lui diront, ouais, c'est gentil, écoute, tu vas le garder dans tes tiroirs, on verra plus tard, nous on en a d'autres chansons. Je dis ça sans savoir, mais à mon avis, ça a dû sûrement se passer comme ça. Alors du coup, il le gardera. Et il ressortira en 1979. Et c'est bien, c'est une belle chanson. C'était aussi ça, l'un des problèmes des Beatles sur la fin, vers la fin des années 60. Oh, il y a eu, oui, il y a eu Yoko, il y a eu le fait qu'il grandissait, il y a eu aussi le fait que George Harrison devenait très, très, très, très bon et avait plein de chansons à proposer et de plein de très bonnes chansons. Et Lennon et McCartney aussi avaient plein de bonnes chansons. En gros, il aurait fallu sortir 3, 4, 5 doubles albums par an, et là peut-être leur créativité aurait été légèrement à sec, peut-être, avec 5 doubles albums, c'était pas faisable, donc il fallait qu'ils se séparent, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ils avaient fait un cercle complet, comme ils s'amusent à dire. Voici encore George Harrison, si vous le voulez bien, de toute façon vous n'avez pas le choix, sur l'album Somewhere in England, et le titre du morceau que j'aime beaucoup, Life Itself, sur RIG. yourself in this love. You are the one. You're in my dream. I hold you there in high esteem. I need you more each step I take. You are the love in life itself. Oh yes, you are. You are the one. You are the one that I've died for. Sense of that which we taste, touch and feel. You are the one. No matter what, you are the real love that I've got. You are my friend when life's through. You are the light in death itself. Oh yes, you are. Revenons à l'album de la semaine, l'album Ram. Alors que Lennon, en 1971, enregistre encore en Angleterre, McCartney s'est provisoirement exilé à New York pour fuir le climat délétère entourant la séparation des Beatles et mettre en chantier l'album Ram. Les musiciens de studio qui l'accompagnent sont ceux avec lesquels il avait déjà enregistré là-bas Another Day, son premier hit single en solo. Paru en février 71, ce numéro 1 en Grande-Bretagne et numéro 5 aux États-Unis fait office alors de bons présages et de stimulateurs créatifs pour aborder sereinement ce deuxième LP de Paul McCartney qui n'a pas perdu la main et il va en faire la preuve par 5. Fort d'une inspiration à son zénith, Paul McCartney va mettre en boîte pas moins de 21 titres pour n'en conserver finalement qu'une douzaine. Une fois trié le grain de livret, la sélection frappe tout d'abord par sa diversité de couleurs et de styles. C'est là l'un des atouts majeurs de Paul, cette fascinante capacité d'intégrer tous les genres et d'en faire son miel tout en y plaquant sa propre personnalité. Cette faculté l'amènera toujours à produire des œuvres riches de sentiments et de climats contrastés. En deux mots, jamais ennuyeux. Une autre facilité non négligeable sera, et pour encore une bonne dizaine d'années, celle de produire des hits instantanés, populaires et néanmoins respectables. Ram en abritera un nouveau. Uncle Albert, Admiral Ansley, qui, malgré un profil musical ambitieux, décrochera immédiatement la timbale numéro 1 aux États-Unis et plus d'1 million d'exemplaires écoulés en un mois. tour à tour mélancolique et enjouée, cette chanson est construite sur un principe que McCartney a mis souvent en œuvre par le passé, accolant côte à côte des thèmes aux mélodies et aux rythmes très distincts, comme pour A Day in the Life et Jude, You Never Give Me Your Money, ou plus tard son fameux Band on the Run. La formule offre un relief inhabituel et plaisant, privilégiant les effets de surprise à la traditionnelle construction couplet-refrain. Si McCartney n'est pas le seul à user de cette pratique, il en reste l'un des initiateurs les plus habiles, et cette propension aura une suite logique lorsqu'il abordera plus tard des œuvres de facture classique. Mais Uncle Albert, Amira Astley est loin de là l'unique réussite de Ram. Entre les ballades dans lesquelles il excelle toujours, Ramon, qu'on va écouter dans quelques instants, Heart of the Country, Dear Boy, McCartney dégaine une série de rock bien sentis, Monkberry Moon Delight, It at Home, Smile Away, Too Many People, un autre rock qui ouvre l'album, irritera profondément John Lennon. Je vous l'ai déjà dit, il pensait que c'était adressé à lui, alors que ce n'était pas adressé à lui. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de cet album-là. En tout cas, on écoute Ramon sur RIG, extrait de l'album Ram sur en 1971, je voulais dire. Take one. Okay. McCartney ne perd jamais des petits embryons de morceaux comme ça. Ce que vous venez d'entendre, Who's That Coming Round, 2 ans plus tard, sur l'album... zut, j'ai Speed of Sound, c'est pas ça. C'est Red Rose Speedway. Voilà, merci Red Rose Speedway. Vous entendrez dans Big Band Bed, ce petit embryon de chanson qu'il va retravailler pour en faire autre chose. Voici les Beatles, encore une version différente. J'ai pas mal pioché dans les anthologies, j'avais envie de vous proposer des versions différentes. Ooh, I need your love, baby. if you still believe me, 'cause I'm not gonna hide. No, I'm not gonna hide from you. If you still think you need me like I do, I want you to feel your love, I'll be strong. With your love, I'll be strong and carry on. Don't be hit by what you've seen. A bad dream, dear. Remember, I slept too. Remember, I slept too with you. Content d'avoir fait plaisir à Nathalie qui sur Facebook avoue « Je n'ai pas écouté cette chanson depuis un siècle ». Oh, pas tout à fait, ça date de 1974 sur l'album « Goodnight Vienna » et c'était forcément Monsieur Ringo Starr sur RIG. The money just can't buy. Partie des petites perles que l'on peut retrouver sur les anthologies. Je vous conseille de vous acheter ces albums-là, mais à condition, ça c'est mon avis, de connaître les autres versions. Comme ça, on a le choix entre les deux, et c'est vraiment très agréable d'écouter des versions qu'ils ont préféré ne mettre de côté, mais ils ont cherché le son, ils ont cherché ce qui semblait être le meilleur, et c'est plutôt très très bien d'entendre ça. Voici une autre chanson mise de côté pendant un temps sur l'album Rock'n'Roll et réhabilitée après, c'est Since My Baby Left Me, John Lennon qui fait des reprises et avec un grand talent sur RIG. But don't miss it. Hey, baby, didn't get a, didn't get a, I didn't get a wink of sleep last night. I had some bad news, some bad news. No sleep, but I kept a telephone call. Didn't need any of them. Couldn't sleep at all. Something I done. Something I done. Something that La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Thank you. si vous savez que Paul McCartney est mon chouchou, mon préféré parmi les quatre de Liverpool. Mais alors que certains chanteurs chantent toujours pareil, avec la même voix, que ce soit douce ou pas, Paul McCartney sait chanter qu'une voix douce, sait chanter qu'une voix écorché, et là, ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'il fait Moonlight, un truc comme ça, vachement écorché, et au moment où on pense que là, il est à fond, eh ben non, il pousse encore, il monte encore plus haut, et il hurle, et je suis bien incapable de monter aussi haut que Paul McCartney. C'est un génie, vous dis-je, et je le dirai même au-delà, vous voyez, je ne le prononce pas, mais je le dirai encore après. Voilà, nous sommes à la chanson 17, on est à peu près dans les temps, c'est le moment de la cover, et la cover que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est un autre monstre. Alors lui, sa voix était bien différente, mais quel talent aussi. Il y a eu un reportage sur lui il n'y a pas longtemps, sur je crois que c'était D8, je ne suis pas certain, mais il me semble. Il est mort malheureusement à 50 ans, beaucoup trop jeune, hein, je le dis. Et c'est Michael Jackson qui a fait une reprise de Come Together à sa façon, et c'est très bien comme ça. Voici la cover de la saga des Fab Four. Joker, she just do what it please. Michael Jackson. À l'instant, vous retrouvez cette chanson sur l'album History, Past, Present and Future, qui date de 1995 déjà. Ouh, que le temps passe vite. Vous êtes bien dans la saga des Fab Four, numéro 270, l'album de la semaine. C'est l'album Ram, et c'est Thierry Gallet, moi, qui vous tient compagnie jusqu'à 22h encore, trois quarts d'heure d'émission. Ça passe très très vite. Voici une chanson que vous me permettrez de dédicacer à celle à qui je pense. Elle s'appelle Alexandra, et le titre du morceau, je l'enregistre hein, comme ça je lui ferai écouter un de ces jours, c'est Can't Stop Thinking About You. C'est George Harrison, forcément. 75. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. It's no good living without you. Stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. And it's no good living without you. I can't stop. Si vous suivez la saga des Fab Four depuis quelques émissions, ou même peut-être quelques années, pourquoi pas, vous savez que j'arrive toujours avec une playlist, donc c'est déjà programmé, mais vous pouvez toujours me dire, j'aimerais écouter cette chanson-là, j'aimerais bien entendre cette chanson-là, ou alors cette chanson-là, je l'adore. Et si jamais elle n'est pas programmée dans l'émission en cours, elle sera peut-être programmée dans une autre émission, comme par exemple la belle Julie Harrison sur Facebook qui m'avait dit Ah, And I Love Her, j'aime bien, mais j'aime bien la version avec la version de Unplugged. Eh bien, il suffit de le demander. La voici pour toi, Julie, cette version And I Love Her par Paul McCartney et la version Unplugged. Encore une fois, I'm Looking Through You, tiré des anthologies des Beatles, donc une version différente et une version très très intéressante. On revient à l'album de la semaine, et on va dire au sujet de cet album Ram, puisque c'est l'album de la semaine, que c'est avec le temps que Ram accédera lentement mais sûrement au rang de valeur sûre, de chef-d'œuvre trop longtemps ignoré dans les inventaires critiques. En France, l'hebdomadaire Les Inrecuptibles lui consacrera même sa couverture, mais 30 ans plus tard, après l'avoir inscrit au chapitre des trésors cachés du rock. Cette réhabilitation critique tardive aura fait sourire tous ceux qui, depuis sa sortie, avaient fait de Ram un album fétiche, en dépit de tout ce qui ne faisait pas alors de McCartney une rockstar suffisamment exubérante et charismatique pour susciter l'intention bienveillante de la presse musicale. Bien des titres de cet album n'auraient pourtant pas dépareillé sur le double blanc, ou Abbey Road. Et du reste, The Backseat of My Car avait déjà été entendu durant les répétitions de Let It Be. À l'instar de John avec Yoko, Paul a beaucoup associé sa femme Linda à l'élaboration du disque. Mais de meilleure façon, sa voix est plus jolie. Ça, c'est moi qui le rajoute. Par ailleurs, crédité à Paul et Linda McCartney. Avec elle, les musiciens qui l'accompagnent ici, c'est le groupe Wings qui se profile. Une intuition qui lui donnera des ailes et le portera très haut durant les années 70. Mais avant ça, il faut réécouter encore Ram, pierre angulaire de la discographie de McCartney. L'ex-Beatles n'a pas encore 30 ans, 1971. Un passé éblouissant et tout l'avenir devant lui. Voici un autre extrait, Heart of the Country, sur RG. I look high, I look low, I look in everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. My eyes are wide. clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. First time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my mind can feel. I feel sorrow. Side of John Lennon sur RIG avec cette chanson Oh My Love tirée de l'album Imagine. On va essayer de se dépêcher un petit peu pour essayer de tout loger. Voici en 1976 sur l'album Rotogravure une belle chanson de Ringo Starr qui est pourtant signée George Harrison. Et c'est une chanson qui ne sonne pas George Harrison et pourtant. La voici I Still Love You sur RIG. This is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. 1, 2, 3, 4. Time off. Tomorrow Never Knows, tiré des anthologies. On accélère, il ne reste plus qu'un seul petit quart d'heure d'émission. Bien dommage, ça va trop vite. Le dernier extrait de l'album de la semaine, Hit at Home, sous la régie tirée de Ram, Paul McCartney. Harrison, je la chouchoute un petit peu. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand elle me dit, j'aimerais bien écouter Hear Me Lord de George Harrison, j'aimerais bien écouter Your Mother Should Know ou d'autres titres comme ça. Propose je dis, mission, propose une mission complète. Mais quand ouais. tu veux, Julie, tu viens ici et tu fais l'émission avec moi quand tu veux. La playlist. Oui, pour un... ah oui, dans ce sens-là. Ah, moi, je pensais qu'elle viendrait ici à Bordeaux. Bon, on va prendre du retard, Eric. On va prendre du retard sur ton émission. Vite, vite, vite. Voici George Harrison d'abord. peut jamais terminer une émission sans un bon Ringo Starr, comme celui-ci par exemple. Rory Storm and the Hurricane. Deux chansons après. J'ai obtenu le bonus de la part d'Eric. Deux chansons à venir juste après. Merci Eric et vive Johnny de AZ. Woke up early, headed for the M1. 200 miles till we get to London. We were sleeping on the floor, living on bread and jam, because we thought we'd hit the big time. Sort un nouvel album et c'est un succès, un très très bon album. L'album s'appelle Postcards from Paradise et le titre du morceau que vous entendez derrière moi, c'est Rory and the Hurricanes. Achetez-le, c'est vraiment très très bon. Deux morceaux avant de terminer cette émission. D'abord les Beatles, Your Mother Should Know sur RG. Maintenant, une dernière chanson, celle avec laquelle Michael Onorato termine son émission à chaque fois. Good night. Good night, everybody. See you next time. Bye-bye. Se termine la 3800. Comment ça, c'est pas la 3857e? Bon, peut-être, hein, depuis 31 ans, on sait jamais. Bref, merci à tous et à toutes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 271e. Sérieusement, faut que j'aille dormir. Merci et je vous laisse en compagnie d'Eric. Je sais que ça va très bien se passer, que ça va être exceptionnellement bien. À très bientôt. Salut! Bonsoir tout le monde, c'est Eric, bienvenue sur l'antenne de RIG. Si vous nous rejoignez à l'instant, Thierry, on te dit à la semaine prochaine sans doute. Oui, il sera là, bien entendu. J'ai pas écouté l'émission parce que je sais même pas s'il a dit. J'ai plongé. Tu l'as dit, mais je l'ai pas entendu. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 22h passé 7 minutes. Mais avant de passer le petit jingle de la radio, nous allons faire... Car la date est de circonstance aujourd'hui. Nous sommes le 21 octobre 2015. Qui dit 21 octobre 2015 dit retour vers le futur. Et si Thierry, je te mettais par exemple le petit sketch que nous avions fait avec la batte. Ah oui, oui oui, pourquoi pas. Eh bien je fais ça. C'est un petit rappel justement, c'est pour marquer ce sketch et puis en même temps cette fameuse trilogie. Voici tout de suite retour vers le passé, animé par Thierry et moi-même lors de l'émission de l'été. Et après, c'est tout de suite l'émission Johnny 2 à Z. C'est les Batman. Mais c'est Eric et Thierry, bien sûr. Ils sont beaux. Ils sont forts. Ils sont sexes. On parle de Batman. Il faut qu'on y aille, les filles. L'aventure nous appelle. Non, partez pas. Non! Mais on viendra. Coquine. Oui! Aujourd'hui, Thierry, Eric nous invite à une nouvelle aventure. Et alors, je l'ai attrapé, je lui ai collé une danse. Je te dis pas, Eric. Ah oui, j'imagine. J'aurais bien aimé être là. C'est sûr. D'ailleurs, si tu m'avais vu, moi, j'étais en train de... Thierry? Thierry? C'est quoi ce délire? Thierry? Thierry! Eric! Non, un petit bonhomme! Tu es là! Professeur! Mais qu'est-ce qui se passe? Thierry a disparu! Mais justement, mon homme, petit bonhomme, c'est là le problème. Le rock est en danger. Si vous ne formez plus l'équipe de la batte, la techno va l'emporter. Mais, que faire, professeur? Et où est Thierry? Bien, allons à la batte temporelle, je t'expliquerai en chemin. D'après mes calculs, Thierry a disparu parce que son père n'a pas rencontré sa mère lors du bal de 1956 comme prévu. Tu comprends? Et alors? Et alors? Mais non, d'un petit bonhomme, il faut réparer cette erreur pour que la batte puisse exister, c'est simple. Non, d'un petit bonhomme, Eric. Regarde, sur mon écran temporel, Technor. Technor? En 1956? Oui! Et regarde la suite sur l'écran. Technor passe un morceau de techno au lieu du slow. Non, d'un petit bonhomme, professeur! Il faut faire quelque chose! Mais, Eric, non d'un petit bonhomme, c'est à moi cette réplique. Pardon, professeur. Bon, ok, on va agir. Nous allons remonter le temps jusqu'en 1956, au jour du bal. Et là, nous allons nous débrouiller pour que le papa de Thierry rencontre la maman de Thierry. C'est très important, non d'un petit bonhomme. Allez, vite, je prépare mes affaires. Alors, attends, je vais aller donner manger au chat. Est-ce que j'ai fermé le gaz? Oui, je crois que j'ai fermé le gaz. Professeur. Bon, allez, je prends des affaires et puis j'arrive. Professeur. Oui, on y va, Eric, on y va dessus. Quand le combat de Thierry et Eric contre la techno s'arrêtera-t-il? Vous le saurez dans la prochaine aventure de la batte. Petit clin d'œil donc à cette fameuse trilogie Retour vers le futur. On était en avance et puis maintenant on est en retard. Ça fait vachement. <longtemps. rire> Mais la suite viendra un jour. Oui, on l'espère bien. On l'espère bien. Tout de suite, jingle érigé et après on attaque tout de suite l'émission Johnny de la Z. Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.